Chapitre 1er. Nous avons bien reçu des lettres. Moi, Cyrus Hedley, assistant d'Oxford, le professeur Barracott, et même Bill Scanlan, depuis notre étonnante aventure au fond de l'océan, sur un point situé à 200 milles ouest des Canaries, où nous fîmes une descente, qui non seulement nous conduisit à réviser nos idées sur la vie et les pressions en grande profondeur, mais nous permit d'y établir la survivance d'une très ancienne civilisation sauvée et maintenue dans des conditions incroyablement difficiles. Nos correspondants s'accordent pour nous réclamer, avec un infatigable zèle, de nouveaux détails. On conçoit qu'en effet, mon premier récit n'était qu'un exposé rapide, s'il comprenait l'essentiel des faits. Il n'en passait pas moins quelques-uns sous silence, notamment le terrible épisode du Seigneur à la sombre face. C'est que là, il s'agissait de choses si extraordinaires, et il s'en déduisait des conclusions telles que tous, nous avions jugé préférable de n'en pas faire état pour le moment. Aujourd'hui que la science a accepté nos conclusions, comme le monde a bien voulu, ajouterai-je, admettre ma fiancée, notre véracité n'étant plus en cause, nous pouvons, ce me semble, hasarder une révélation qui, sans doute, n'eût pas tout d'abord rencontré la faveur du public. Mais en guise de préambule, j'aurais plaisir à évoquer auparavant quelques souvenirs complémentaires des mois merveilleux que nous passâmes chez les Atlantes, dans ce fond d'abîme où, grâce à leurs enveloppes transparentes et à leurs appareils d'oxygène, ils se promènent aussi aisément que les Londoniens déambulent, à cette minute même, sous les fenêtres de mon hôtel, entre les parterres fleuris de Hyde Park. Quand ces gens nous eurent conduits chez eux après notre effroyable plongeon, nous nous trouvions être, en somme, plutôt leurs prisonniers que leurs hôtes. Je voudrais dire ce qui détermina un changement complet de notre situation et comment, auprès d'eux, le docteur Barracott s'illustra d'une telle sorte que notre souvenir se perpétuera dans leurs annales comme celui de quelques visites célestes. Ils ne surent rien de nos projets de départ, ils les eussent certainement contrariés s'ils l'avaient pu. Et sans doute, est-ce déjà pour eux une légende que nous sommes remontés vers quelques sphères de l'Empyrée, emmenant la brebis la plus charmante et la plus choisie de leur troupeau. On me permettra de procéder par ordre et de noter certaines particularités étranges que présente ce monde prodigieux, de raconter certains incidents qui marquèrent notre séjour, avant d'aborder la suprême aventure qui laissera son empreinte sur chacun de nous, l'intervention du Seigneur à la sombre face. Je ne laisse pas de regretter à quelques égards que nous ne soyons restés plus longtemps dans le gouffre Barracott, en raison des nombreux mystères qu'il recèle et de tout ce qui nous y demeura jusqu'au bout incompréhensible. Comme nous étions en bonne voie d'apprendre le langage des Atlantes, notre information s'en fut promptement enrichie. L'expérience avait appris à nos amis ce que le milieu où ils vivent a pour eux d'inoffensif ou de redoutable. Je me rappelle qu'un jour, témoin d'une alerte soudaine, nous ne prîmes que le temps de revêtir nos enveloppes à réservoir d'oxygène avant de nous précipiter au dehors, sans savoir pourquoi. Mais nous ne pouvions nous méprendre sur le trouble et l'horreur qui se trahissaient autour de nous sur les visages. Arrivés au plateau sous-marin, nous vîmes une foule de ces esclaves grecs que l'on utilisait pour le travail des mines se hâter vers la porte de la colonie. Ils allaient d'un tel pas, et ils étaient si harassés qu'à tout instant ils tombaient sur la vase. Nous faisions donc partie d'une expédition de secours chargée de recueillir les invalides et de presser les traînards. Lorsque nous nous retournâmes pour regarder dans la direction d'où venait leur fuite, nous n'aperçûmes que deux nuages pareils à des bouchons de paille verdâtre, lumineux au centre, effilochés sur les bords, et qui dérivaient plutôt qu'ils n'avançaient vers nous. À leur vue cependant, et bien qu'ils fussent encore à une bonne moitié de mille, nos compagnons, pris de panique, se mirent à battre la porte pour entrer plus vite. Il était certes inquiétant de voir approcher ce mystérieux objet, mais enfin, grâce à la prompte manœuvre des pompes, nous nous retrouvâmes bientôt à l'abri. Un long temps s'écoula sans que les Atlantes osassent rouvrir leurs portes. Lorsqu'enfin un éclaireur, envoyé en reconnaissance, reparut, sa mission accomplie, on l'accueillit par des poignées de main et des claques dans le dos, comme après une prouesse. Il déclara le danger passé. La joie fut générale. Tout le monde eut très vite l'air d'avoir oublié cette indésirable visite. Mais le mot de Praxa, répété sur tous les tons de l'horreur, nous donna lieu de supposer que c'était le nom de l'animal, Seul de nous tous, le professeur Maracode se réjouit de l'incident. Nous eûmes grand-peine à l'empêcher de sortir avec un petit filet et un récipient de verre. Un nouveau type de vie, en partie organique, en partie gazeux, mais évidemment intelligent, proclamait-il. Un monstre de l'enfer, déclara Scanlan en termes moins scientifiques. Deux jours après, sortis pour ce que nous appelions une pêche à la crevette, nous allions parmi les végétations sous-marines, capturant de nos filets à main des spécimens de tout petits poissons, quand nous tombâmes en arrêt devant le cadavre d'un de nos mineurs. Sans doute les indéfinissables bêtes avaient-elles rattrapé le malheureux dans sa fuite. Sa cloche de verre était brisée, ce qui supposait une force énorme. La matière de ces cloches offrant une extrême résistance, ainsi qu'on a pu s'en rendre compte aux efforts qu'il a fallu faire pour s'emparer de nos premiers documents. L'homme avait eu les yeux arrachés, mais il ne portait pas trace de blessure. « Ça, c'est le fait d'un gourmet, » nous dit le professeur à notre retour. « Il existe en Nouvelle-Zélande un rapace, oiseau de proie tenant du perroquet et de l'épervier, qui vous tue un agneau pour le seul morceau de gras placé au-dessus du rein. Ainsi, la bête de l'autre jour vous tue un homme pour ses yeux. Dans les espaces célestes comme au fond des eaux, la nature ne connaît qu'une loi qui, hélas, est sans miséricorde. »